Le 21 novembre 1670, un vendredi, à Paris, au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, est joué pour la première fois Bérénice, tragédie de Jean Racine. La pièce surprend. Ses détracteurs disent qu'il ne s'y passe rien. Et pourtant, elle est aimée, acclamée même, et Racine saura s'en expliquer. « Ce n'est point une nécessité qu'il y ait du sang et des morts dans une tragédie », écrit-il dans sa préface. « Il suffit que l'action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient excitées et que tout s'y ressente de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie. » Et c'est sous les applaudissements que je vous salue. Bonjour Julie Brochen. Bonjour Adèle Vendrette. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est votre première expérience de radio confinée ? Absolument, je vous la dois et je vous en remercie. Vous verrez à la fin de l'émission, mais prions pour que tout se passe bien. Généralement, ça se passe bien. Vous êtes en tout cas metteur en scène, comédienne. Vous avez dirigé le Théâtre National de Strasbourg de 2008 à 2014. Et vous faites partie de ceux dont Bérénice a changé la vie, je crois. Oui, c'est en quelque sorte quand la question qui m'a été posée sur une pièce classique qui serait ma préférence, il y en a beaucoup auxquelles on pense, mais celle-là revient toujours en premier parce que c'est en quelque sorte un souvenir de théâtre qui m'a fait naître au théâtre. J'ai eu la chance de découvrir cette pièce en 1984, j'étais toute jeune et j'avais la chance de pouvoir aller voir la version incroyable de Klaus-Michael Gruber à la Comédie Française, et j'ai pu voir ce spectacle plusieurs fois, et ça m'a, ces vers se sont imprimés en moi de sorte que j'ai eu la nécessité après de forger ce projet fou d'abandonner les études de philosophie pour faire le conservatoire de théâtre de Paris, et je suis rentrée au conservatoire avec Bérénice, j'en suis sortie avec Bérénice, et je ne l'ai jamais montée parce que c'est une pièce qui me tient en déséquilibre et en amour absolu. J'adore l'écouter, j'ai ce souvenir vertigineux de la version de Gruber qui m'accompagne tout le temps, et c'est une pièce qui m'a fait respirer et qui m'a fait entrer dans le monde théâtral passionnément. Alors pour entrer dans la pièce en particulier, dans le monde théâtral de manière plus générale, c'est ce qu'on fait tous les jours de cette semaine. Et donc aujourd'hui, en votre compagnie, moi j'ai annoncé que la pièce s'était tenue pour la première fois à Paris, à l'Hôtel de Bourgogne. Mais la chanson qui a ouvert cette émission nous a mené bien loin. Qu'est-ce que c'était comme chanson ? Ben c'est Oum Kalsoum, c'est sa voix chaude et envoûtante et féminine, diablement, qui célèbre la reine de Judée et de Palestine, qui est Bérénice, et puis aussi le roi de Commagène qui l'accompagne, qui est Antiochus. C'est un trio avec Titus, empereur de Rome, qui se passe à Rome, mais qui porte en lui toute la saveur de l'Orient par la figure même de Bérénice. Et c'est ce qui me fait, ce que je trouve incroyable dans la pièce, c'est que c'est pas une pièce qui parle de la passion amoureuse ou du sentiment amoureux. C'est une pièce qui parle du désir et que cette femme, cette toute jeune femme qui peut d'ailleurs être une femme totalement aussi féminine et pleinement accomplie qu'était Ludmila Michaël, mais qui peut avoir la jeunesse et la et irradier de beauté de la Mélodie Richard qui était à l'Odéon dans la mise en scène de Célipote. Elle peut avoir tous les âges et c'est vrai quand on l'imagine, elle prend toutes les formes cette femme, mais elle est l'émanation de la grâce, elle est aussi l'Orient, elle est l'étrangère et c'est elle qu'on désire et c'est elle qui désire et c'est elle qui fait qui met en échec le pouvoir et l'ordre établi de Titus. Alors on va écouter cette pièce ensemble ce matin, mais d'abord peut-être pour aider à l'écoute de cette pièce, certains auditeurs ne l'ont jamais entendue peut-être, d'autres peut-être la connaissent très bien. Une question qui est celle qui va nous accompagner et qui est celle à laquelle Racine tente de répondre dans la préface dont j'ai lu un court extrait, c'est « Peut-on faire plus avec moins ?» Parce qu'au fond, on lui reproche une chose, c'est que dans cette tragédie en 5 actes, comme il se doit, il ne se passe rien. Or, lui soutient qu'au contraire, il se passe énormément de choses, simplement c'est pas de l'action, c'est autre chose. Alors, quelle est cette autre chose qui se passe sur scène ? Alors, c'est effectivement, pour moi, le manque d'action n'est évidemment pas un défaut. Et si j'ai choisi Bérénice, c'est que c'est un sommet de la langue française. C'est un absolu de beauté poétique qui nous fait rentrer dans le vers de Racine d'une façon, à vie. J'ai découvert, moi aussi, le travail du vers racinien avec Madeleine Marion au conservatoire. On a de cesse que de retravailler ce texte qui s'ancre en nous, qu'on connaît par cœur et qu'on réapprend en permanence. Là, moi, je le réapprends avec mes élèves. Et l'émotion, le trouble, l'accès même à l'émotion, c'est le cœur de la pièce. C'est-à-dire qu'on est chamboulé, on est changé par le rapport des vers entre eux, le choc des vers entre eux et ces présences qui sont comme des planètes et qui créent organiquement un monde d'une sensualité absolue et qui parle de l'impossible désir à conduire l'essentiel. C'est-à-dire que ce que Titus aime en Bérénice, c'est ce qu'il n'a jamais désiré autrement qu'elle. Elle est tout ce qu'il désire. Il le dit, il ne peut pas être mu, c'est-à-dire que le désir qu'elle représente et qu'elle-même, elle se fait traverser par ce mouvement-là, permet tout. C'est la vie même, c'est le mouvement, c'est le déséquilibre, c'est aussi, ça me parle de l'Orient, et ça me parle de s'ouvrir à l'étranger, et s'ouvrir à l'inconnu, et s'ouvrir au péril, c'est l'expression même du désir. C'est-à-dire que c'est une pièce sur le fait de désirer et de vivre dans ses désirs, dans son désir, plutôt que dans la raison. C'est une pièce qui n'est pas comme les autres, qui agit sur l'émotion profonde qu'on ressent à l'écoute des mots. Gruber disait il faut avoir le cœur brûlant et les lèvres froides. Il disait aussi que si ça n'était pas écrit en vers, ça ne pourrait pas se dire. Et justifiant cette forme de l'alexandrin par le fond. Et il ne s'agit pas d'action ou de mise en tension ou de situation des personnages, puisque c'est comme des planètes qui se regardent. On a besoin des trois. Ils sont indissociables et il n'est question que de séparation dans cette pièce, de fuite en avant, comme de déséquilibre qui rend le mouvement vivant. Il faut accepter le changement, il faut accepter le départ. Les adieux et les hélas sont ponctués aussi. Chacun a une façon de dire adieu, de dire hélas, qui est d'une musicalité incroyable et qui fait partie du personnage. Donc les trois voix de Titus, Antiochus et Bérénice se concertent sur comment essayer de réunir à la fois son désir de l'autre et soi-même, et il y a une incompatibilité qui fait que à cause des lois de Rome qui sont gravées dans le marbre, la loi ne peut pas être remise en question, et oui. Bérénice, par son statut de femme orientale, par de princesse de Judée, ne peut pas devenir impératrice de Rome. Oui. Mais le désir qu'elle incarne et qu'elle manifeste à Titus met en échec ses lois. C'est ça. En fait, pour l'intrigue, on peut le dire en une phrase. Antiochus aime Bérénice, qui aime Titus, Titus aime en retour Bérénice, mais le problème, c'est que Titus vient d'être nommé empereur, et à Rome, on ne tolérera pas que le nouveau nommé empereur épouse une simple reine, et qui plus est, une reine de Judée, une reine de Palestine. C'est pas du tout ce qu'on attend d'un empereur. C'est surtout ça, une reine de Judée et une captive, parce que il a été celui qui a écrasé la révolte des Juifs et détruit le temple de Jérusalem. Donc c'est surtout que son amour pour une captive est une chose, et la loi romaine ne veut pas d'étrangère impératrice de Rome, mais aussi elle représente ce qu'il ne fallait pas qu'il désire. Et ce qu'il ne fallait pas qu'il désire, il le désire au-delà de tout. C'est ça. Alors on va entendre un extrait avant d'en dire plus, parce que du coup on a envie d'entendre la langue, donc vous venez de louer le travail et la sonorité, puis vous allez nous dire ensuite comment on fait pour jouer justement cette pièce-là. Si rien n'est dans l'action, si rien n'est dans le mouvement, comment est-ce que le comédien peut lui-même incarner cette querelle du désir dont il est question? Voici donc un premier extrait, il s'agit de la deuxième scène du premier acte. C'est un monologue d'Antiochus qui doit, après 5 ans de silence, après 5 ans d'amour en silence, qui voudrait avouer à Bérénice qu'il l'aime et qu'il ne sait pas comment s'y prendre, car il sait en plus qu'elle s'apprête à épouser Titus. Voici l'extrait, c'est une mise en scène de Maurice Escande. Eh bien, Antiochus, es-tu toujours le même? Pourrais-je sans trembler lui dire « je vous aime » Mais quoi, déjà je tremble, et mon cœur agité craint autant ce moment que je l'ai souhaité. Bérénice autrefois m'ôta toute espérance. Elle m'imposa même un éternel silence. Je me suis tue 5 ans, et jusqu'à ce jour d'un voile d'amitié, j'ai couvert mon amour. Dois-je croire qu'au rang où Titus le destine, elle m'écoute mieux que dans la Palestine? Il l'épouse. Ai-je donc attendu ce moment pour me venir encore déclarer son amant? Quel fruit me reviendra d'un aveu téméraire? Ah, puisqu'il faut partir, partons sans lui déplaire. Retirons-nous, sortons, et sans nous découvrir, allons loin de ses yeux, l'oublier ou mourir. Et quoi? Souffrir toujours un tourment qu'elle ignore? Toujours verser des pleurs qu'il faut que je dévore? Quoi, même en la perdant, redouter son courroux? Belle reine, et pourquoi vous offenseriez-vous? Viens-je vous demander que vous quittiez l'Empire, que vous m'aimiez? Hélas, je ne viens que vous dire qu'après m'être longtemps flatté que mon rival trouverait à ses voeux quelque obstacle fatal, aujourd'hui qu'il peut tout, que votre hymen s'avance, exemple infortuné d'une longue constance, après 5 ans d'amour et d'espoir superflu, je pars fidèle encore, quand je n'espère plus. Au lieu de s'offenser, elle pourra me plaindre. Quoi qu'il en soit, parlons, c'est assez nous contraindre. Et que peut craindre, hélas, un amant sans espoir qui peut bien se résoudre à ne la jamais voir? Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie et Bérénice de Racine dans une mise en scène de Maurice Escande qui date du 15 mai 1956. Vous l'aurez sans doute remarqué, la pièce ne date pas d'hier, enfin en tout cas l'interprétation. Et dans l'extrait que vous avez entendu, c'est Paul-Émile qui joue Antiochus. Ce monologue a quelque chose de programmatique, Julie Brochen, puisque il parle pour dire qu'il ne peut pas parler. Et ça, oui, c'est tout l'enjeu de la pièce. Comment oui, est-ce que les mots peuvent dire que nous sommes réduits au silence et que ça ne changera rien? Ou que la parole est vraiment notre partage le plus fondamental, que la langue qui nous lie, c'est la culture, que la culture entre nous permet la paix et que ça nous rend plus forts et plus aussi offerts à la culture des autres. C'est-à-dire que je crois, moi, que la parole, la poésie, la culture est le seul échange qui nous reste et qui pacifie et qui peut pacifier, qui fait de nous des citoyens ouverts à toutes les cultures du monde. Il y a quelque chose avec la parole qui est comme dans cette pièce, comme si nos poumons s'ouvraient à l'air. C'est une pièce respiratoire, c'est une pièce qui fait rentrer ces vers, ce s'ancre en nous, mais s'imprime dans la chair. Je sais pas comment dire, ça me fait trembler. Il dit, Antiochus, quoi qu'il en soit, parlons, c'est assez nous contraindre. Comme si l'impossibilité de la parole était le moteur même de cette parole dont il est question, de cet aveu qu'il faut se faire, de cet aveu d'être à l'autre essentiel et que l'autre vous est tout autant essentiel. Cet aveu qui est un aveu d'identité de soi. On est grâce au fait de le dire. Il faut juste lui dire et partir. Donc c'est en plus quelque chose qui est très troublant parce que c'est pas un amour qui accaparerait, qui voudrait devenir propriétaire de l'autre. C'est un amour totalement philosophique et poétique qui nous fait naître au monde, qui nous fait être ce que nous sommes. Moi je l'entends comme ça. Et comment fait-on pour jouer cette pièce, quel que soit le rôle d'ailleurs, avec cette langue qui est extrêmement simple, peut-être plus encore que dans d'autres pièces de Racine, et là encore on lui a reproché cette simplicité de la langue, on retrouve les mêmes mots souvent, les mêmes expressions, qui vient au service d'émotions extrêmement fortes pour un comédien. Est-ce que c'est un enjeu particulier ? Ah bah c'est sûr, j'aimerais bien le savoir comment jouer cette pièce. Moi, j'aurais adoré avoir la formule qui me permettrait de ne pas douter d'être à l'extérieur des rôles. Mais je pense que chaque tentative est belle. Chaque fois qu'on l'entend, c'est le texte qui chemine en soi. Le fait de la lire aussi, c'est tout aussi important. Toutes les tentatives que je vois moi avec des vertiges pareils de langage dans les écoles de théâtre me provoquent une émotion forte parce que c'est une pièce qui est organique. Elle est d'une sensualité, d'un trouble, d'un érotisme dans la parole qui est comme une caresse. Elle est simple, mais il n'y a rien de plus difficile que d'atteindre cette simplicité. C'est le travail de toute une vie, je pense, de si on relie nos pères. Je repense à Madeleine Marion parce que Vitesse disait d'elle qu'il l'avait fait naître à Claudel et à Racine. On peut y passer sa vie sur Bérénice, même sur un fragment. Je pense qu'on n'arrivera jamais à cette simplicité qu'elle contient. C'est vrai qu'elle a quelque chose de déroutant. Elle est comme lapidaire. Elle est simple. Elle est presque monotone. On entendait Oum Kalsoum tout à l'heure. Il y a quelque chose presque de monotone et de totalement sacré parce que répétitif et qui vous prend et qui vous sert et qui vous accompagne, c'est comme si ça vous en serre, ça vous presse. C'est comme un sanglot, cette pièce. C'est comme un besoin d'avoir légitimement envie de pleurer, mais pour se soulager, pour s'ouvrir, pour se laver. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme une naissance. Mais si vous deviez, imaginez aujourd'hui, vous, des comédiens arrivent chez vous et vous devez le mettre en scène cette pièce, comment est-ce que vous dirigez un comédien pour jouer par exemple ce monologue d'Antiochus qu'on a entendu? Qu'est-ce que vous lui dites? On se dirait ensemble qu'il faut se mettre à la table longtemps, peut-être écouter Oum Kalsoum longtemps, peut-être se mettre dans l'état d'être qu'il faut pour se laisser traverser, parce que je pense qu'il ne faut pas l'agir. On parlait d'action tout à l'heure. Je pense qu'il faut être réceptacle des sensations qui sont écrites et dites, ou de ce qui n'est pas dit justement et qui essaye de se dire, et d'être à l'écoute des trois voix, c'est-à-dire qu'il faudrait ne pas séparer Antiochus de Titus, parce que Antiochus, que je lui dirais pour commencer, c'est qu'il est la figure de la constance et de l'amitié la plus pure, la plus sûre, la plus forte, parce qu'il est devenu peut-être d'une façon un peu cachée, pour cacher son amour pour Bérénice, il est devenu l'ami de Titus, il est devenu son frère d'armes. Et il y a une noblesse dans cette figure qui irradie. C'est-à-dire que le prince de Commagène est aussi, c'est l'homme qui est sur le seuil, qui est entre les deux, qui forme le triangle amoureux absolument, parce que c'est la figure tragique de la pièce, Antiochus. S'il y en a une, c'est lui. Alors on va faire connaissance avec Titus, on va l'entendre parler. Titus lui est traversé par un dilemme. Qui des deux va gagner, la passion pour Bérénice ou la raison d'État, ou son obligation politique et déontologique d'empereur? Lui-même ne sait pas et ne veut pas décider, si bien que dans un acte de faiblesse, presque de lâcheté, il va demander à Antiochus, son ami, dont il ignore les sentiments pour Bérénice, d'aller lui dire qu'il doit renoncer à son mariage. Et dans l'extrait que vous allez entendre, Titus, qui est joué par Maurice Escande, va demander à Antiochus donc de s'en charger pour lui et de quitter Rome avec elle. Écoutez comment il fait se balancer d'un côté la passion amoureuse et de l'autre l'ambition de devenir empereur. Si le peuple, demain, le voit partir la reine, demain, elle entendra ce peuple furieux me venir demander son départ, à ses yeux, sauvons de cet affront mon nom et sa mémoire. Et puisqu'il faut céder, cédons à notre gloire. Ma bouche et mes regards muets depuis 8 jours l'auront pu préparer à ce triste discours. Et même en ce moment, inquiète, empressée, elle veut qu'à ses yeux j'explique ma pensée. D'un amant interdit, soulager le tourment. Épargnez à mon cœur cet éclaircissement, allez, expliquez-lui mon trouble et mon silence, surtout qu'elle me laisse éviter sa présence. Soyez le seul témoin de ses pleurs et des miens. Portez-lui mes adieux et recevez les siens. Fuyons tous deux, fuyons un spectacle funeste qui, de notre constance, accablerait le reste. Si l'espoir de régner, de vivre en mon cœur, peut de son infortune adoucir la rigueur, ah, prince, jurez-lui que toujours trop fidèle, gémissant dans ma cour et plus exilé qu'elle, portant jusqu'au tombeau le nom de son amant, mon règne ne sera qu'un long bannissement, si le ciel, non content de me l'avoir ravi, veut encore m'affliger par une longue vie. Vous, que l'amitié seule attache sur ses pas, prince, dans son malheur ne l'abandonnez pas. Que l'Orient vous voit arriver à sa suite, que ce soit un triomphe et non pas une fuite. Qu'une amitié si belle ait d'éternels liens. Que mon nom soit toujours dans tous vos entretiens. Pour rendre vos états plus voisins l'un de l'autre, l'Euphrate bornera son empire et le vôtre. Je sais que le Sénat, tout plein de votre nom, d'une commune voix, confirmera ce don. Je joins la Cilicie à votre commagène. Adieu. Ne quittez point ma princesse, ma reine, tout ce qui de mon cœur fut l'unique désir, tout ce que j'aimerais jusqu'au dernier soupir. Alors, comment faire entendre l'émotion à travers la seule parole? Et là, en plus, on ne voit pas le corps sur scène, donc on ne voit pas comment il bouge et comment il incarne cette émotion. Alors, c'est peut-être dû au temps qui nous sépare de l'année où cette pièce a été mise en scène dans la version que nous sommes en train d'écouter, mais l'émotion ici semble être recouverte d'une certaine déclamation. C'est pour ça que je vous demandais, Julie Brochen, comment est-ce qu'on dirige un comédien qui doit jouer cette pièce? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on entende le comédien qui déclame plus que l'émotion qu'il est lui-même en train de jouer? C'est toute la difficulté de l'alexandrin, mais il y a eu beaucoup de penseurs, de théoriciens, de grands hommes de théâtre et de femmes de théâtre qui s'y sont voués avec des grandes interprétations qui montrent que le vers racinien, c'est pas seulement une métrique assez complexe, c'est un flux, c'est quelque chose qui ne doit pas, comme disait Vitesse, s'enjamber, mais qui a une telle un tel déséquilibre dedans qu'il porte le trouble et la sensualité. Il fait accéder à l'émotion. Il faut se laisser contaminer par la parole. C'est comme si elle nous contaminait et elle nous faisait penser autrement, regarder autrement, ressentir autrement. C'est vraiment physique, la langue de Racine. C'est quelque chose qui n'est pas seulement des règles classiques et des accents toniques, comme on peut avoir d'ailleurs dans certaines pièces un peu plus un carcan comme ça du vers, notamment dans les pièces de Corneille. On a souvent la difficulté comme ça, on joue des coudes pour se libérer dedans. Quand j'entends, moi, quelqu'un comme Pascal Bongard, qui est un acteur que j'adore, dire Racine, j'ai l'impression qu'il dit Racine d'une façon tellement naturelle que ça coule de lui. J'ai l'impression que c'est une source, que c'est un verre d'eau claire qui me tend pour le boire. C'est-à-dire que ça, il faut arriver à rentrer dans cette langue et se laisser porter comme si on était dans des rapides. Ça me fait l'effet des fois de devoir échapper quand on est sur une petite barque dans des rapides à se faire écrabouiller par des roches, parce qu'évidemment il y a une violence contenue et une vraie brutalité, et puis cette infinie douceur qui vous caresse, qui vous prend et qui est comme euh, comme le fait d'être sur l'eau et de se laisser porter. Et puis des fois, le courant vous emmène et vous fracasse, vous emmène dans des chutes. il faut arriver à guider sa barque dedans. Mais c'est un déséquilibre du verre, je dirais, les 12 pieds de Racine, surtout dans cette pièce. C'est se laisser chuter comme une chute libre dedans. Vous citiez Corneille. Corneille aussi est l'auteur d'une pièce qui s'appelle Bérénice, oui, qui a connu beaucoup moins de succès. L'intrigue était beaucoup plus compliquée, oui, d'ailleurs, mais elle a eu beaucoup moins de succès. Oui, parce que la langue est moins belle déjà, et puis que l'intrigue est complexe effectivement, et puis que il y a le poids de la raison et de la construction plus latine chez Corneille, qui fait qu'on est dans un traitement plus historique. Alors que là, ça pourrait se passer dans un non-lieu. Rome est intéressant. On a entendu Titus et il disait cette chose magnifique à la fin de l'extrait, pas tout à fait à la fin, mais il disait que mon nom soit toujours dans tous vos entretiens. C'est l'échange de paroles qui est le lieu où il se retrouve. C'est ce palais dans lequel il est. Titus vit un traumatisme qui est celui du deuil du père. Il doit passer du rôle de fils libre d'aimer ce qu'il veut, de faire la guerre, d'aller écraser le temple de Jérusalem et ramener Bérénice, et puis la mort du père fait de lui un empereur. Donc il doit se soumettre à la loi, et donc son dilemme, la dualité qu'il doit éprouver, c'est entre la liberté d'avant et la contrainte du présent. Il doit choisir. Mais en fait, il nous le fait entendre, il n'a pas ce choix-là offert, parce qu'il ne peut pas, noble comme il est et responsable, il ne peut pas faillir. Il a un rôle qui n'est pas celui qui peut se permettre d'être libre. Et donc il doit choisir entre la loi qu'il doit honorer, respecter, faire même respecter par tous les Romains, et sa propre liberté. Ce en quoi il est dans un dilemme absolu, et il se livre à Antiochus, qui lui-même vient de nous dire le dilemme dans lequel il est, de silence contraint, qu'il a tenu pendant 5 ans et qu'il ne peut pas tenir davantage. Donc on est à un endroit où on ne peut plus tenir davantage la face cachée de la lune, et qu'il va falloir aller la regarder en face. Mais Titus aime-t-il vraiment Bérénice? La question se pose, et à cette question, Roland Barthes répondait par la négative. Dans le texte qu'il a consacré à Racine, qui s'appelle « Sur Racine », qui date de 1963, il écrit « C'est Bérénice qui désire Titus. Titus, lui, n'est lié à Bérénice que par l'habitude. Bérénice est au contraire liée à Titus par une image, ce qui veut dire, chez Racine, par Eros. Cette image est naturellement nocturne. Bérénice y revient à loisir, chaque fois qu'elle pense son amour. Titus a pour elle la volupté d'un éclat entouré d'ombre, d'une splendeur tempérée. C'est donc essentiellement à Bérénice et à elle seule qu'appartient ici le pouvoir érotique. Toutefois, ce pouvoir, contrairement au dessein habituel de la tragédie racinienne, n'est pas doublé d'un pouvoir politique. Les deux pouvoirs sont disjoints, et c'est pour cela que la tragédie finit d'une manière ambiguë, comme si elle s'épuisait, privée de cette étincelle tragique qui naît ordinairement de la condensation excessive de ces deux pouvoirs dans une même personne. Puissante, Bérénice tuerait Titus. Amoureux, Titus épouserait Bérénice. Leur survie à tous deux est comme une panne, le signe d'une expérience tragique qui échoue. Est-ce que vous souscrivez à ce constat, Julie Brochon? Parce que pour lui, vraiment, Titus n'est pas amoureux de Bérénice, il est sans appel. Le texte de Barthes, il est incontournable, mais je ne suis pas d'accord avec lui du tout, parce que je ne pense pas que ça soit si simple. Il réorganise les choses alors que le génie racinien, c'était de les avoir emmêlées. Il y a du vrai dans chacune des figures, qui est totalement autonome et qui pourrait, comme la pièce se termine, justement, se séparer et s'éloigner les unes des autres, mais leur rapprochement pendant ces 5 actes crée des interférences. Et Titus dit dans l'extrait qu'on a entendu « Ne quittez pas ma princesse, ma reine, mon unique désir », comme si son cœur ne pouvait battre, ne pouvait respirer, ne pouvait le faire bouger, avancer, que par cet unique désir. Alors si Bérénice n'était pas une femme, mais l'incarnation du désir, ça pourrait être ce qu'on désire, Bérénice. Et Titus, pour Bérénice, est un homme qu'elle aime. Mais Bérénice, c'est le désir d'Antiochus, c'est le désir de Titus, et c'est même le désir de Bérénice d'être elle, puisqu'il n'est pas question de changer de nature. Elle ne se soumet pas en suivant Titus. Elle ne se soumet pas à la loi romaine, elle ne comprend même pas, elle met en échec d'une façon assez... c'est beau, parce que c'est a priori léger et inconstant, mais elle est tout sauf légère et inconstante. Elle met en échec cette loi gravée de Rome en disant, eh bien Seigneur, eh bien... voyez-vous les Romains prêts à se soulever, comme si elle ne redoutait absolument pas ce que Titus peut vouloir éviter, qui est la rébellion et du Sénat et du peuple. Il est hors de question qu'il l'épouse. Mais ce que je trouve formidable dans la figure de Titus, c'est qu'il est allé la chercher dans son Orient. L'Orient de la fable revient avec lui, et c'est lui qui l'a choisi. Il veut Bérénice comme reine. Il veut mettre sa propre couronne sur sa tête. Et pourtant, il renonce. C'est pourquoi on peut aussi lire cette pièce comme étant une défaite de l'amour. Oui, il renonce, mais il renonce. La pièce est une se termine dans le déséquilibre qu'elle a provoqué. C'est-à-dire qu'on est si la pièce est jouée, on n'en sort pas du tout indemne. C'est-à-dire que on doit lutter. Absolument, pour réconcilier les contraires, et ça nous fait réécouter Didon et Énée, ça nous fait réécouter Péléas et Mélisande, ça nous fait réécouter Héloïse et Abélard, oui. Et toutes les impossibles qui nous sollicitent dans nos propres vies. C'est-à-dire que c'est quand même à nous de nous battre pour que ces planètes ne s'éloignent pas. Alors attention, on va pleurer maintenant, on va pleurer avec les personnages, on va découvrir Bérénice qui entre en scène au moment où vous allez entendre cet extrait. Il s'agit de la cinquième scène du quatrième acte, et Titus vient de lui annoncer « Enfin, ma princesse, il faut nous séparer ». Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne, il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois m'a fait de mon devoir reconnaître la voix. Il en est temps. Forcez votre amour à se taire. Et d'un œil que la gloire et la raison éclairent, contemplez mon devoir dans toute sa rigueur. Vous-même, contre vous, fortifiez mon cœur. Aidez-moi, s'il se peut, à vaincre sa faiblesse, à retenir des pleurs qui m'échappent sans cesse. Ou si nous ne pouvons commander à nos pleurs, que la gloire du moins soutienne nos douleurs, et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Oh, cruel, est-il temps de me le préparer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimée. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager? Quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir? Ne l'avez-vous reçu cruel que pour le rendre? Quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre? Tout l'Empire a 20 fois conspiré contre nous. Il était temps encore que ne me quittiez-vous. 1000 raisons alors consolaient ma misère. Je pouvais de ma mort accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers. plutôt qu'une si chère main. Leur haine contre moi, dès longtemps déclarée, m'avait à mon malheur dès longtemps préparée. Je n'aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel dans le temps que j'espère un bonheur immortel. Quand votre heureux amour peut tout ce qu'il désire, lorsque Rome se tait, quand votre père expire, lorsque tout l'univers fléchit à vos genoux, enfin, quand je n'ai plus à redouter que vous. Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Je pouvais vivre alors et me laisser séduire. Mon cœur se gardait bien d'aller dans l'avenir chercher ce qui pourrait un jour nous désunir. Je voulais qu'à mes vœux rien ne fût invincible. Je n'examinais rien, j'espérais. L'impossible, que sais-je. J'espérais de mourir à vos yeux avant que d'en venir à ces cruels adieux. Les obstacles semblaient renouveler ma flamme. Tout l'Empire parlait. Mais la gloire, madame, ne s'était point encore fait entendre à mon cœur du ton dont elle parle au cœur d'un empereur. Je sais tous les tourments où ce dessin me livre. Je sens bien que sans vous, je ne saurais plus vivre. Que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre. Il faut régner. Eh bien, régner, cruel. Contentez votre gloire. Je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche, après 1000 serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche, à mes yeux s'avouant infidèle, m'ordonne à elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien et pour jamais, adieu. Pour jamais. Oh Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on est. Il y a quelque chose d'héroïque dans le personnage de Bérénice Saint-Julie-Brochon parce qu'en décidant de partir, de quitter les lieux, elle va transformer ce qui aurait pu être une forme de soumission à la loi romaine en un acte de sa propre volonté et elle devient vraiment une sorte d'héroïne, même si elle trouve difficile de partir, hein, le adieu à jamais, et elle revient comme c'est difficile, comme ce mot cruel est affreux quand on aime, c'est un vers sublime. Oui, le redoublement aussi de pour jamais, c'est tellement tellement beau ça, pour jamais. Il y a aussi un autre redoublement sur la bouche de Titus, sa bouche. J'ai voulu vous entendre en ce lieu et cette bouche cruelle et puis après cette bouche et comme si elle désignait sa bouche à lui. Il y a une cette simplicité déconcertante dont on parlait tout à l'heure et à la fois c'est d'une précision comme un scalpel qui vient fourrager là où ça fait mal. Ce qui est incroyable dans cet archive qu'on vient d'entendre, je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais j'ai l'impression que l'interprète, qui est alors pour le coup dans une déclamation... C'est Annie Ducot. Oui, qui c'est 1956, la mise en scène de Maurice Escande. C'est ça ? C'est ça. Et en fait, il y a une déclamation, là on parlait de la déclamation, on l'entendait, mais j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais qu'elle a eu fait un lapsus. Il y a eu une sorte de lapsus au début, elle a été le temps de me le préparer alors que ça a été le temps de me le déclarer. J'ai l'impression qu'elle s'est pris, mais c'est formidable ça, moi je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable si c'est le cas, parce que on est tellement en péril dans cette langue qui est, c'est par la langue que Racine conjure et dompte les passions, et il y a quelque chose de palpitant et d'avif, et on n'est jamais sûr, en fait, de comment le vers va nous conduire. Donc, c'est vers les rivages de cet amour absolu, sans romantisme, sans sentimentalisme, et je trouve qu'elle est cette figure-là, c'est-à-dire que, encore une fois, elle prend toutes les formes de la grâce et de la beauté, cette Bérénice. Alors, je parlais de la tristesse, le mot revient souvent, le mot de pleurs au pluriel aussi, scande tout le texte, mais Racine parle de tristesse majestueuse, et ce terme s'applique à Bérénice, c'est celle pour qui la tristesse n'est pas une faiblesse, il n'y a même pas une jouissance de la tristesse, comme il pourrait y avoir dans certaines tragédies. Ici, c'est l'acte de Bérénice, c'est celui possible de transformer cette tristesse en un acte, oui, majestueux. Moi, je disais héroïque, on peut aller jusque-là, non? Oui, on peut, mais dans le sens de gloire, c'est-à-dire que c'est glorieux. Au lieu de la majesté de l'acte, ça serait plutôt la simplicité et l'évidence pour moi. C'est-à-dire, je repense à Klaus Michael Gruber, qui est de loin le guide pour réentendre cette Bérénice, parce que je sais que les captations permettent de réentendre cette version qui était de loin la plus belle de toutes celles que j'ai vues. Il y a un ouvrage sur Gruber qui dit « Il faut que le théâtre passe à travers les larmes ». Alors qui est Gruber? Dites-nous pour ceux qui ne le connaissent pas. Klaus Michael Gruber, c'est un immense metteur en scène de théâtre et d'opéra qui a longtemps vécu en France, qui est mort en 2008 et qui a eu une carrière magistrale en Allemagne. En France, il a été l'assistant de Streller. Il a monté Bérénice en 1984 aux Français, et avec Ludmila Michael, Richard Fontana, Marcel Bozonnet, Catherine Samy. Vous voulez qu'on en écoute un extrait? Avec joie. Voici donc 2 minutes, c'est tout ce qu'on a, mais vous verrez, c'est beaucoup, de la mise en scène de Klaus Michael Gruber, qui date du 19 octobre 1986 à la Comédie Française. C'est donc Ludmila Michael qui joue Bérénice et Richard Fontana qui joue Titus. Écoutez-vous, madame, une foule insensée. Je ne vois rien ici dont je ne sois blessée. Tout cet appartement préparé par vos soins, ces lieux de mon amour si longtemps les témoins, qui semblaient pour jamais me répondre du vôtre, ces festons où nos noms enlacés l'un dans l'autre, à mes tristes regards viennent partout s'offrir, sont autant d'imposteurs que je ne puis souffrir. Allons, Félix. Ciel, que vous êtes injuste. Retournez vers ce Sénat auguste qui vient vous applaudir de votre cruauté. Eh bien, avec plaisir l'avez-vous écouté. Êtes-vous pleinement content de votre gloire? Avez-vous bien promis d'oublier ma mémoire? Mais ce n'est pas assez, expier vos amours. Avez-vous bien promis de me haïr toujours? Non, je n'ai rien promis. Merci. J'ai qu'un mot à dire, merci. Ça fait du bien de réentendre. C'est ce ça. Qui vous a donné envie de faire du théâtre? Oui, ben je trouve, là, on parlait de déclamation tout à l'heure, là, je c'est comme si, en fermant les yeux, j'étais en train de les écouter dans le noir de la salle Richelieu, allongée dans le couloir des baignoires, comme j'étais quand j'étais toute jeune et que je me faufilais comme ça et que j'écoutais presque les yeux fermés la pièce. Je l'ai vue 18 fois, donc je l'ai ancrée en moi, cette version-là, et elle est incroyable. Elle est incroyable. Ludmila Michael et Richard Fontana sont magistraux tous les deux. Il y a une sorte de rapport au texte qui est tellement organique, qui est tellement évident, simple, et à la fois on sent cette dualité entre eux. Ils sont une seule et même personne. C'est pour ça que je mets en échec un peu le texte de que par ailleurs, encore une fois, j'adore le texte de Barthes, mais je trouve que si Titus n'aimait pas Bérénice, la chose serait plus simple, plus comme Ça, quelque chose qui serait plus compréhensible. Et moi, ce que j'aime, c'est d'être dans le trouble et dans cette. Gruber disait qu'il fallait cet abandon, il fallait pouvoir accepter cette émotion en soi comme une chose qui lâche pour s'ouvrir à autre chose, pour arrêter de se fermer au monde et à tout ce qui nous est étranger. Ça aussi, c'est une parole qui fait du bien aujourd'hui, mais c'est Toby Nathan, par exemple, qu'il écrit, il faut s'ouvrir à ce qui n'est pas soi et être totalement disposé à se laisser contaminer au sens, je veux pas faire de faux jeu de mots avec ce qui nous arrive, mais de ne pas lutter contre avec les peurs qu'on agite pour qu'on se barricade, au contraire, il faut accepter les choses et puis se laisser transformer par elles et puis en ressortir, on l'espère tous, grandi et enrichi. Plutôt que caché et isolé. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de vous rejoindre dans votre studio et continuer à parler de Bérénice. Et le mélange pourra avoir lieu plus physiquement, ça c'est vrai. Mais justement, cet accueil de l'étranger, et l'étranger c'est Bérénice dans le texte, parce que c'est une reine étrangère, on l'a dit, Titus n'y parvient pas, c'est en ça qu'il y a un échec. Alors qu'il l'aime ou pas, bon, bah, libre à chacun de l'interpréter, mais ce qui est vrai, c'est que là, il y a ici un échec qui laisse penser que Bérénice sort gagnante, et ce qui explique peut-être la postérité de ce personnage. Bérénice a irrigué des générations de dramaturges. Bérénice ne sort pas gagnante. Elle se dit elle-même exilée de son être qu'elle a. Elle a trouvé sa présence. Elle a suivi l'évidence. Elle est à sa place là où elle est. Donc si elle part, elle part avec tout ce qu'elle est et elle l'emporte avec elle et elle emporte le seul désir de Titus. Je crois que la pièce c'est le huis clos justement et le fait de changer de lieu. C'est la seule mise en échec, c'est de ne pas pouvoir vivre là où elle pouvait vivre avec lui. Mais c'est vraiment les lois de Rome et les lois humaines de Rome, du Sénat romain, de l'empereur de Rome, pour moi, ne mettent pas en échec effectivement cette parole de Bérénice qui est plus déconcertante, évidente quand on la considère même d'une façon politique. Il faut écouter. Moi, il y a des discours politiques qui m'ont éveillée à la politique par les sentiments, par l'émotion que ces discours ont suscité en moi. Jacques Ralite, qui était pour moi un des plus grands orateurs politiques qui soit, m'éveillait à la pensée politique, à la réflexion politique par ses lectures constantes, par la poésie qu'il me faisait lire, par la richesse de ses discours et la clarté, la vérité de sa parole me rendait amoureuse quelque part. Ça, c'est une pièce qui donne envie d'être amoureux, mais amoureux de ce qui est essentiel dans nos vies, pas forcément encore une fois réduit. C'est très intéressant d'analyser le face-à-face des deux hommes et de la femme. D'ailleurs, ils sont deux hommes et une femme, ce trio. Et c'est vrai qu'il y a du masculin et du féminin qui est crucifié dans cette pièce, comme toutes les histoires dont on a parlé d'amour impossible, comme ça. Gilayo dans la scénographie de Gruber faisait vraiment le monde du Sénat romain avec une pierre ronde et puis un tout petit rideau ajouré avec des feuilles qui étaient agitées par un ventilateur qui était la partie féminine orientale un peu cachée comme un claustra. Il y avait la féminité et la masculinité dans le décor. Il y avait cette dualité que nous portons tous en nous. C'est pas les uns contre les autres. On a du Bérénice et du Titus en nous et quelque part il faudrait qu'on se réconcilie avec notre Antiochus aussi pour pas le laisser sur le seuil de notre propre porte. Mais il y a quelque chose, je trouve, qui est chez Bérénice, il y a quelque chose qui parle au-delà de ça. De ce qui nous fait vivre, de ce qui nous donne envie de nous lever le matin, de ce qui nous donne envie de bouger et d'accomplir des grandes choses. Ce en quoi je suis d'accord avec l'héroïne ou le mot gloire. Il faut accepter Bérénice et la suivre à la limite, ne pas la laisser partir. Eh ben, on se quittera sur ces belles paroles, Julie Brochen, et je vous laisse

D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours et peut-être plus que jamais, réécouter ces émissions, les télécharger, les podcaster pour les écouter au moment de la journée que vous choisirez. Et sachez aussi que l'équipe des Chemins vous attend avec impatience sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. On se retrouve donc à demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.